Ok. Hein. Je suis pas le mec, hein. Je fais pas le Mac. Hein. Dans mes clips, j'ai pas de Glock. Je suis pas le mec, je suis pas le Mac. Dans les clips, j'ai pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe, que ça drop. Je suis pas le mec, je suis pas le Mac. Dans les clips, j'ai pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe, que ça drop. Perdu sur ma route, mais personne m'arrête. Je dis pas que personne m'arrive à la cheville. Je fais pas la starlette, buteur comme Marès dans la zone à risque. Que je tourne en rond, je dis bonjour aux darons. Je dis bonjour aux petits, sans faire le parrain, sans faire le parent. Je respecte les parents, je suis mort réparé. Ils font des paris, mort rendu paro. Je vais leur mettre la tête au carré. Et moi, je suis pas tant taré, je fais pas tant d'arrêt. J'attends que ça chante dans mon dos, alors j'ai pris un petit grand arrêt. Mais je fais pas le fanfaron quand je passe devant le pharo. Je ramène mon poteau vers Morjou. Je pense aux frangers en maison d'arrêt. Derrière les barreaux qui se font péter au barrage. Moi, j'ai caché mon shit parce que j'ai vu qu'il y avait des schmitts dans les parages. Moi, j'ai qu'une parole, mais faut que tu tiennes la tienne. Pourquoi tu tiens Fiat? Faut que tu tiennes ta chaîne, faut que tu tiennes ta team, que tu tiennes ta thune. Ouais, ouais, c'est pas ça la vie. Arrête de faire le fou, arrête de faire le fier, arrête de faire le fort, à parler de fer, à parler de ci, de ça, à quoi bon sert le sang? Non, t'es pas crédible, personne te croit le sang. J'suis dans l'impasse, pas toujours un fall boss. Moi tout le temps j'me gâche, j'suis pas en caisse. Tu te tout le best, que ça le blesse et qu'il encaisse. Laisse, y'a un retour de flamme, les gens mauvais, ils auront ce qu'ils méritent. Ils me font mal au crâne, ils me font un cachet d'aspirine. J'suis pas le mec, yo, j'suis pas le Mac. J'suis dans les clips, j'suis pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe, que ça drop. J'suis pas le mec, j'suis pas le Mac. Dans les clips, j'ai pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe, que ça drop. J'ai mis les Kayano, j'écoute Jaja et Yana Kamura. Et si elle nous mourait, on ferait comme Gomorra, Salvatore Irina, Jean-Michel dans Mafiosa. Là je suis au stud avec marteau dans chouf, on joue pas la causa. Moto en l'air, je vois les étoiles, la sous la vie de fumée. J'ai fini de manger, j'tarde pas envie de fumer. Dans les patines, ma vie mon label. J'nique tout, j'fais la belle, ouais j'ai la dalle. J'veux pas gâter la tolle, j'veux pas casser le del. Il est 14h, toujours pas fumé, mon texte j'ai pas fini. J'ai vécu des trucs de fou, j'me suis dit pourquoi j'ai pas filmé. Fais doucement, si t'as jobé tout ce temps, quand un jour tout s'éteint, sois sérieux de ce que t'entreprends. Que tu sois guetteur ou chef d'entreprise, la vie te fait des prises. Fais gaffe qui tu méprises, j'te l'ai pas dit tu me les prises. Beaucoup de fous que dans le bise, regarde à qui tu fais des bises. Sans prendre ton temps quand tu pèses, quand tu prends plein et que tu pèses. Ouais ouais ouais ouais, oh mamma mia. J'viens de la rue Kessia, en bas ça faisait des brésiliennes. Ouais ouais Kessia, hein, ça guidait les clients. Ça maniait le guidon et le volant de la Clio. Les képés rentrés, ça criait dans le game. Toujours en claquette, je me fais pas d'amis. Vu qu'à la base, je suis pas le bien-aimé. Je fais pas le bonhomme, je suis comme un autre. J'ai fait bonne mine, je suis pas tout connement. Et la vérité, c'est pas pour ton buzz, c'est que je t'aime bien si je m'abonne moi. Moi, je suis pas le mec, hein, je suis pas le Mac. Dans les clips, hein, je suis pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe, que ça drop. Je suis pas le mec, je suis pas le Mac. Dans les clips, je suis pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe, que ça drop. Je suis pas le mec, je suis pas le Mac. Dans les clips, je suis pas le Glock. Dans le sport bag, motherfuck. Que ça rappe.